Le porte-parole du Comité national coréen pour la paix a publié le 22 juillet un entretien qui dit notamment « En Corée du Sud se livre la lutte de masse contre la disposition du SAD et cela est l'expression de la haine et de l'indignation insupportable contre la bande de Park Geun-hye qui a réduit sans hésitation la nation et tout son territoire en victime de la guerre nucléaire de l'impérialisme américain et qui appelle une nouvelle guerre froide au nord-est asiatique, folle de la confrontation avec les compatriotes, de la servilité à l'égard des États-Unis et de la traîtrise. » Les États-Unis et les fantoches prétextent notre menace nucléaire et des missiles pour la disposition du SAD, mais c'est un mensonge pour cacher l'intention d'introduire en Corée du Sud les équipements de guerre nucléaire des États-Unis pour la suprématie stratégique en Asie Nord-Est et de procéder à tout moment à l'attaque préventive nucléaire contre notre République et les pays voisins pour l'hégémonie mondiale. Le 21 juillet aussi, à la réunion pour la sécurité, Park Geun-hye nous a mis en cause en parlant de notre menace et du meilleur moyen, justifié la disposition du SAD et révélé ouvertement la tentative de réprimer la lutte juste de différents milieux sud-coréens en parlant des éléments malsains. Les faits montrent clairement que la bande de Park Geun-hye ne cause que malheur, souffrance et catastrophe à la nation du Nord et du Sud et qu'elle menace gravement la paix et la stabilité dans la péninsule coréenne et en Asie Nord-Est. Un soutien agissant et une ferme solidarité sont exprimés à la population sud-coréenne en lutte juste pour prévenir le danger d'une guerre nucléaire dans la péninsule coréenne, démanteler les équipements meurtriers et les bases d'agression des impérialistes américains et préserver la paix et la stabilité du nord-est asiatique. Tous les Coréens de l'intérieur et de l'extérieur sont appelés à s'engager dans la lutte pour faire échouer la tentative de disposition du SAD.